Welcome to French Pod, everyone. Today we've got an intermediate lesson, and it's called How Much Do You Love Me? My name is JP. Et je m'appelle Amaury. Bonjour tout le monde. Bonjour Amaury. How much do you love me? Énormément. Oh, thank you. Je t'aime plus que tout au monde. Oh, wow. That's a lot. Nous allons donc parler d'amour. Ok. Aujourd'hui, sans arrière-pensée. Ok. Et nous allons nous retrouver chez un couple. So this is going to be some intimate moments, right? Oui. Ok. Alors, pour cette leçon, la phrase clé est « En quel honneur ?» En quel honneur. All right, so to what do we owe the honor? Okay, we're going to listen for that « En quel honneur » as we listen to the dialogue. Here we go. Bonjour chérie, c'est l'heure de se réveiller. Tiens, je t'ai préparé ton petit déjeuner. Je suis allée acheter des croissants. Des croissants? Mais en quel honneur? Oh, juste comme ça, pour te faire plaisir. Tiens, je t'ai repassé tes chemises aussi. Elles sont rangées là. Toi, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu as cassé? Tu as un accident avec la voiture? Mais non, enfin. Mais tant que j'y pense, j'ai annulé le déjeuner chez ma mère dimanche prochain. Bon, arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes et j'ai pris un RTT. Je vois, c'était donc ça. Tiens, prends ma carte bleue. Et ne fais pas trop de folie. Moi, je file au boulot, sinon je vais être en retard. Merci. Mais je n'ai pas le code. Donc, nous revoilà. Bon, la pauvre... Yeah. Elle avait un plan. She did. She had a hidden agenda. Ouais. On dit même en français, elle avait une idée derrière la tête. Okay, she had an idea in the back of her head. Ouais, depuis le début. Okay. Bon, ça n'a pas tout à fait marché, malheureusement. No. So let's see how this played out. Donc elle va voir son mari pour le réveiller et lui dit « Bonjour chérie, c'est l'heure de se réveiller. » Okay, it's time to wake up. Oui. All right, and whenever it's time to do something, we're going to say « c'est l'heure de ». Voilà. Right? For example, it's time to eat. C'est l'heure de manger. It's time to go to bed. C'est l'heure d'aller au lit. And it's time to wake up. C'est l'heure de se réveiller. Okay, and it looks like she brought him something to eat, right? Oui. Elle a préparé son petit déjeuner. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée acheter des croissants. Delicious croissants. La France est connue pour les croissants un peu. Absolutely, yeah. Now, I just want to point out this complément d'objet indirect, this indirect object pronoun, in the sentence here. She says, look, I prepared breakfast for you. Je t'ai préparé ton petit déjeuner. Okay, so right before the auxiliary verb est, we have this t sound, right? And this is the indirect object pronoun, te, all right? So she's specifying that she made the breakfast for him, right? Specifically, she says, I made the breakfast for you. Je t'ai préparé ton petit déjeuner. Elle aurait pu dire, j'ai préparé ton petit déjeuner, mm-hmm. mais elle souligne qu'elle l'a vraiment fait pour lui. Right. Je t'ai préparé, I made it for you. Et donc, elle est allée acheter des croissants. Mm-hmm. Il est surpris, parce qu'il dit des croissants. Mais en quel honneur? Okay, so that's our phrase clé, right? En quel honneur? Oui. And it could be like, are we celebrating something or what's the occasion? Parce qu'en France, on ne mange pas des croissants chaque matin. No? Désolé, ce n'est pas la vérité. No, I was under the impression that French people are just eating croissants morning, noon and night. Non. C'est souvent le week-end parce que normalement, on va les acheter à la boulangerie. Right. Et non, les Français vont pas tous les matins avant d'aller au travail à la boulangerie spécialement pour acheter des croissants. Okay, so something special is going on, right? Oui. Of course she denies it, she says. Juste comme ça, pour te faire plaisir. Okay, just like that, to make you happy, pour te faire plaisir. Et pour lui faire plaisir, elle a fait d'autres choses en plus. All right, what she do for him? Elle dit, je t'ai repassé tes chemises. Aussi. Okay, I ironed your shirts for you. Oui. All right. And you'll notice again that she uses the indirect object pronoun te. Je t'ai repassé tes chemises. So I did it for you. I ironed your shirts for you. Voilà, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans la première phrase. Yes. Et donc ici, on a le verbe repasser. Mm-hmm. To iron. Oui. Et elle les a rangées. Elle mm-hmm. dit, elles sont rangées là. Okay. Mais il a des soupçons. Yeah. Yeah, he's suspicious. Ça a l'air un peu trop beau. Cette histoire. Hein. Mm-hmm. So, croissants and ironing, that's too much. Ouais. What's going on? Et donc, il dit, toi, tu me caches quelque chose. Okay. Now, this verb cacher means to hide. And here we see it again with an indirect object pronoun. This time, it's me, all right? So, you are hiding something from me. Tu me cache quelque chose. Mm-hmm. And then he gives her several options. What did you break? Qu'est-ce que tu as cassé? Uh-huh. Were you in an accident? Tu as eu un accident avec la voiture. Okay, now let's talk about this. Avoir un accident, this is to have an accident, right? Oui. Okay, and accidents usually happen suddenly. They're, you know, they're actions that happen. So that's why we have it here in the passé composé, right? And not in the imparfait. So you had an accident? Tu as eu un accident? Elle le contredit encore une fois. Okay. Elle lui dit, mais non. Mais non, enfin, mais non. Qu'est-ce que tu vas imaginer? But... Tant que j'y pense. Tant que j'y pense, as now that I think about it, or literally, as much as I think about it. So, in English, we'd say, well, now, actually, now that I think about it. Oui. J'ai annulé le déjeuner chez ma mère dimanche prochain. Okay, so I canceled lunch at my mom's place next Sunday. Oui. Well, that's great. That sounds like great news. This keeps getting better and better. Elle fait beaucoup, hein. Même trop. Parce qu'il s'en rend compte. Il dit, bon... Arrête de tourner autour du pot. Okay, what is this expression, tourner autour du pot? Ça veut dire hésiter à dire les choses clairement. Okay, maybe in English we'd say quit beating around the bush. Et get to the point, right? Exactement, oui. Et donc il lui pose une question directe, qu'est-ce que tu veux? Et là elle avoue, elle dit, eh bien aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes. Des soldes, okay, it's sale season. Aha. C'est le jour peut-être le plus important pour elle. Yeah. So she's laying on a pretty thick being nice to him. I wonder what she wants from him. On va voir ça tout de suite après. Okay. Et donc elle a pris un RTT. RTT. We're going to explain what an RTT is later in the podcast. Ouais. For now, it's a day off, right? C'est bien ça. Okay. So it's sales day. It's the start of sales season and she took a day off. Mais bon, elle a pris son jour de congé, mm-hmm. mais elle a besoin d'autre chose. And he realizes right away. Oui. Je vois, c'était donc ça. Oh, I see, that's what it is, right? Aha, we'd say. Simplement. Mm-hmm. Et donc, elle n'a même pas lui demandé, il comprend que elle a fait tout ça pour avoir la carte bleue. Et donc, il lui dit, tiens, prends ma carte bleue. Ok, carte bleue. Alors, carte bleue, c'est tout simplement une carte bancaire. Ça veut dire la même chose. Ok. Et il précise... Et ne fais pas trop de folie. Ok, don't go crazy. Right? Don't go nuts on this. Ouais, n'exagère pas. Finalement, une fois qu'il a donné sa carte, il décide de partir. Il dit, moi, je file au boulot. Ok. Now, I know that boulot means job, right? It's kind of a slangy word for job. Oui. Ok. Et je file, what does this mean? Filer, c'est s'en aller très vite. Ok. Je file, ça veut dire que tu dois partir. Il est temps d'y aller tout de suite. Okay, I'm taking off. Voilà, exactement. All right, I'm taking off for work. So he's going to take off for work right now. Sinon, if not, I'll be late. Sinon, je vais être en retard. Okay, so he puts on his jacket and he takes off. Rapidement, ouais. Mm-hmm. Donc elle est contente, elle est heureuse. Yeah, she's got the card. Tout va bien. Yeah. Mais, JP. What happened? Elle n'a pas le code. Oh, no. Uh-oh. C'est pour ça qu'il est parti si rapidement. Yeah. Mm-hmm. Shall we listen to the dialogue again one more time? Ouais, c'est l'heure d'écouter le dialogue. Bonjour chérie, c'est l'heure de se réveiller. Tiens, je t'ai préparé ton petit déjeuner. Je suis allée acheter des croissants. Des croissants? Non, quel honneur. Oh, juste comme ça, pour te faire plaisir. Tiens, je t'ai repassé tes chemises aussi. Elles sont rangées là. Toi, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu as cassé? Tu as un accident avec la voiture? Mais non, enfin. Mais tant que j'y pense, j'ai annulé le déjeuner chez ma mère dimanche prochain. Bon, arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes et j'ai pris un RTT. Je vois, c'était donc ça. Tiens, prends ma carte bleue. Et ne fais pas trop de folie. Moi, je file au boulot, sinon je vais être en retard. Merci. Mais je n'ai pas le code. All right, we're back. And as promised, we're going to talk about this RTT. Oui. On ne pouvait pas l'expliquer pendant le podcast parce que c'est compliqué. Yeah, it is a kind of complicated concept. Alors, rapidement, il y a quelques années en France, il y a une loi qui a été votée qui disait... que le nombre minimum d'heures qu'on doit travailler par semaine est 35 heures. I remember that, the 35-hour work week. Ouais, on en a parlé beaucoup. Et on en parle encore d'ailleurs en France. Okay. Alors qu'avant, C'était 39 heures. Okay, so before it was 39. So what happens to those 4 hours? Do those people just not work those 4 hours? Comme c'est difficile de travailler 35 heures par semaine, mm-hmm. les gens continuent à travailler 39 heures. Okay. Donc, ils travaillent 4 heures de trop par semaine. Okay. Et si tu les additionnes au bout d'un mois, ça fait qu'ils travaillent 16 heures en trop. Okay. Yeah, so that would be like 2 days. Oui. Ce qui correspond à 2 jours. Mm-hmm. They still have the right to take those days off? Voilà, exactement. Mm-hmm. Ils peuvent prendre ces jours en tant que jour de congé. Okay. Et ce jour s'appelle un RTT. RTT. So what exactly does RTT stand for? Réduction du temps de travail. Okay. Réduction du temps de travail, that would be the reduction of work hours. C'est bien ça, oui. Okay. Et donc, on en parle beaucoup en France maintenant encore, mm-hmm. car ça marche dans certaines sociétés. Même pas partout. Certaines sociétés n'appliquent pas ces 35 heures okay. et les gens travaillent beaucoup plus mm-hmm. et n'ont pas droit au RTT. Oh non. Ouais. Jeez, I want my RTT now. Do you think this company will honor my RTT? On peut rêver. On va les demander. Ok. Vas-y, Phil va leur demander. All right, here I go. Ok, sur ce, c'est la fin de la leçon. N'hésitez pas à venir sur la page de discussion. Nous sommes contents d'entendre vos suggestions et tous vos commentaires. Donc on se retrouve sur FrenchPod.com. À très bientôt. À la prochaine.